Audiomatique. La transmission 194 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de DJ Eden et sa pièce Poltergeist, pièce qui se retrouve sur son plus récent album intitulé Directive. Les électronistes croient que la musique électronique est le lieu de rencontre de tous les courants, de tous les styles et de toutes les cultures, et que ce métissage génère des expressions artistiques inattendues. golpear. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar. À Audiomatique, nous venons d'entendre le projet Greenside et sa pièce City Limits qu'on retrouve sur son tout nouvel album Welcome to the Infants, publié un peu plus tôt cette semaine par l'étiquette numérique The Games We Play. Avant Greenside, c'était l'artiste Andrea Parker, de qui nous écoutions la composition Invasion, qui se retrouve sur son mini-album The Dark Ages, paru en 2001. Et au début de cette séquence de trois pièces, c'était la collaboration entre les projets Cigara et Nosotros, avec leur pièce No Tu Me Vas, tirée du mini-album de Cigara qui se nomme Atto. Celui-ci est disponible par le biais de l'étiquette numérique Tropical Twista Records. Sans attendre davantage, entamons la prochaine séquence qui sera composée d'une seule pièce du projet Uranium USSR 1972, à savoir Glaciation Room, le Trends Club Mix. We'll be right back. À Audiomatic, cette séquence d'une seule longue pièce provenait du projet Uranium USSR 1972, mené par l'artiste italien Angelo Bergamini, mieux connu pour être l'âme derrière la formation Curlian Camera. Avec Uranium USSR 1972, M. Bergamini nous offre une musique qui s'apparente davantage à ce que nous pourrions classer comme étant de l'IDM expérimental. La pièce que nous avons entendue se nomme Glaciation Room, la version Trance Club Mix qui se retrouve sur l'album Avary. À Audiomatic, nous écoutons maintenant la pièce Scarlet de la formation Lush. We'll be right back. La formation islandaise Goose Goose concluait cette séquence de trois pièces grâce à Remembrance, une composition tirée de son deuxième album Poly Distortion, paru en 1997. C'est en fait leur deuxième album. Notons que Goose Goose est encore actif aujourd'hui et vient tout juste de sortir un nouvel album qui se nomme Lies Are More Flexible. Avant Goose Goose, c'était Zero Seven et la pièce Polaris qu'on retrouve sur le premier album Simple Things, paru en 2001. Et nous amorcions cette séquence avec une version alternative de la pièce Scarlet, composée par la formation Lush. Cette version se retrouve sur l'album Gala, paru en 1990. La transmission 194 d'Audiomatique prendra fin ce soir sur la pièce New Life du projet français ISR, dont l'acronyme signifie Electro Synthetic Rebellion. Cette pièce se retrouve sur l'album Corroded Fragments de ISR, album qui est paru en 2003. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct une autre transmission d'Audiomatique, à savoir la transmission 195. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatique quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici maintenant ISR et la pièce New Life. Bonne écoute, bonne semaine. Et c'était Audiomatique avec les électronistes. Thank you.